je crois qu'on est le plus fort de force et à force d'y croire. Alors, il faut croire, croire en toi, crois qu'on est le plus fort à coup de force et d'effort.